pe pale E ou konen gen moun kap tande Yo vin koute pou yal pote ale Moun sa yo se gati sa yo ye Eske yo rap lo ki jan la vite Nou men arrive kon bel ti bebe Imagine ou si nou vin separe Ki jan ti moun sa pral leve Toujours à souffrir Yo toujours dire let's amare C'est la vie pas tomber Et m'connais le mauvais chéri Même la tête a tremblé Accepte m pou ki wap maltrete m Wap fem monte ou ma suive Souffrance pa sa merite Avec le bou Ma va juste pan pense Espe son destino pou pa miye pou m touje wap soufri On nan wap baga pot fado On nan wap baga pot fado Espe son destino pou pa miye pou m touje wap soufri Allez, mani dit tout ça. Avè ou yon ti kote Nan yon plas moun jalou pa jem pase Pou nan pale, pou nan kose de l'amou Pou n kapab rekomanse Gen moun ki bat avè remè nou kontine Patande yo pou pa ma juje Pou nou chitade pou nan le pale Se nou de ki ka deside Se nou pa ka vive akos nan moun Gen moun ki bat avle remè nou kontine Patande yo pou pa ma juje Pou nou chitade pou nan le pale Se nou de ki ka deside Se nou pa ka vive a kos nan nou ki fè mè mal Se nou pa ka vive a kos nan nou ki brise kè Se nou pa ka vive a kos nan nou Gabel, Kadjon Bel L'amour, l'amour, l'amour, l'amour Mais l'amour Ça me fait ma prière Garde trahi maintenant à cause de l'amour.